La délégation de l'Union des femmes socialistes coréennes, conduite par la vice-présidente de son comité central, Choi Chun-hee, a quitté le 15 Pyongyang par avion pour participer à la conférence du secrétariat de la Fédération internationale des femmes démocratiques prévue à Rome, Italie.